الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، nous allons parler dans cette assise d'un sujet important qui concerne la situation du croyant face aux épreuves et le bienfait d'en être épargné. Dans ce bas monde, le serviteur vit de manière successive des moments d'aisance et des moments de difficulté, des moments de salut et des moments d'adversité, des moments de maladie et des moments en bonne santé, et ainsi de suite. Et ce car ce bas monde n'est pas une demeure de stabilité, mais c'est une demeure dans laquelle nous sommes afin d'être mis à l'épreuve et afin d'être testés. Et tout cela fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre « وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ » Nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation. Et c'est vers nous que vous retournerez. C'est-à-dire que le serviteur va parfois être éprouvé par certaines calamités. Et d'autres fois, il va être éprouvé par des bienfaits. Parfois, il va être éprouvé par des difficultés. Et d'autres fois, il va être éprouvé par des moments d'aisance. Parfois, il va être éprouvé par la maladie. Et d'autres fois, il va être éprouvé par la bonne santé. Parfois, il va être éprouvé par les péchés et les mauvaises actions. Et d'autres fois, il va être éprouvé par ses bonnes œuvres. Et tout ceci a pour objectif de voir qui parmi les serviteurs est reconnaissant et qui parmi eux fait preuve d'ingratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Qui parmi eux patiente face aux épreuves et qui parmi eux se lamente et est pris par le désespoir lors des épreuves. Et il n'y a pas de doute que le fait d'obtenir le salut et d'être épargné des moments d'épreuve et des moments d'adversité, c'est un bienfait immense parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de demander l'afia, de demander le salut. Un jour Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu est monté sur le minbar afin de sermonner les gens. Puis il a mentionné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et s'est mis à pleurer. Ensuite il leur a dit, certes le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, demandez à Allah l'afia, demandez à Allah le salut, car après la certitude, personne n'a jamais reçu quelque chose de meilleur que l'afia, c'est-à-dire le salut, le fait d'être épargné des épreuves et des malheurs. Et Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, l'oncle paternel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est un jour venu à lui et lui a dit, ô messager d'Allah, enseigne-moi une chose que je demanderai à Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, demande à Allah l'afia, demande à Allah le salut. Alors Al-Abbas il a dit, j'ai attendu quelques jours, et je suis retourné voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et je lui ai dit, ô messager d'Allah, enseigne-moi une chose que je demanderai à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ô Abbas, ô oncle du messager d'Allah, demande à Allah l'afia, ici-bas et dans l'au-delà. On voit donc à travers cela l'importance pour le croyant de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'être épargné des épreuves et d'obtenir le salut. D'ailleurs, Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah subhanahu wa ta'ala chaque matin et chaque soir, c'est-à-dire dans les adhkar du matin et du soir, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal-akhirah, jusqu'à la fin de l'invocation. Ô Allah, je te demande le salut ici-bas et dans l'au-delà, chaque matin et chaque soir. Et ça, c'est une des nombreuses invocations auxquelles il est important pour le musulman d'être assidu quotidiennement, car ceci fait partie des causes légiférées afin d'obtenir la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne délaissait jamais ses mots chaque jour. Il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala le salut. Donc le serviteur, lorsqu'il est en bonne santé, lorsqu'il est dans des moments d'aisance, il doit être conscient de ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Et malgré cela, il continue de demander à Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyah. Car le fait de demander cela à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une manière de te rendre compte de ce bienfait. Et c'est une manière de faire preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, il est même légiféré pour le musulman, lorsqu'il voit une personne qui est touchée par un malheur, de louer Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir été épargné. Comme cela est rapporté d'après Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque voit une personne éprouvée alors qu'il dise « Alhamdulillahilladhi afani mimma btalaka bih وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. Louange à Allah qui m'a épargné de ce par quoi il t'a éprouvé et m'a favorisé sur grand nombre de ses créatures. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui prononce cette parole donc, après avoir vu quelqu'un d'éprouvé, il ne sera pas atteint par cette épreuve. Ceci aussi, cela fait partie des invocations prophétiques importantes pour le musulman de mémoriser afin de pouvoir les prononcer. Et les épreuves ou les malheurs qui peuvent atteindre la personne dans ce bas monde, ils sont de deux sortes. Il y a des malheurs qui sont causés par le serviteur lui-même, c'est-à-dire qu'il est en mesure de les repousser et de s'en écarter. Et ces malheurs, ce sont les péchés, les mauvaises œuvres qu'accomplit le serviteur. Ceci fait partie des plus grands malheurs. Et le serviteur est en mesure de s'écarter de cela et de les repousser, en se maintenant sur le chemin droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, en accomplissant ses ordres et en délaissant ses interdits. Le deuxième type de malheur, ce sont ceux qui surviennent sur le serviteur et qu'il ne peut pas repousser. À l'exemple de la maladie, de la faiblesse, de la pauvreté et autres, parmi les différents malheurs et les différentes épreuves par lesquelles le serviteur peut être atteint dans ce bas monde. Et ces épreuves, le musulman doit avoir la ferme conviction que s'il patiente et qu'il fait preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, alors ces épreuves seront un bien pour lui, bi'idhnillahi ta'ala. Lorsque tu es éprouvé, tu dois avoir en tête qu'il y a derrière ces épreuves une grande sagesse et faire face à cette épreuve d'une manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala afin de tirer profit de cette épreuve. Et il est important que tu gardes en tête ces paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui à qui Allah veut du bien, alors il l'éprouve. Il faut savoir que nos salafs, nos pieux prédécesseurs, lorsque l'un d'entre eux n'était pas éprouvé, qu'il n'était touché par aucun malheur, alors il se remettait en question. Il remettait en question sa foi. Il s'interrogeait. Car le fait d'être épargné des épreuves, cela conduit le serviteur à l'insouciance et à l'éloignement de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que les épreuves, elles te rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elles te font prendre conscience de ta faiblesse. Elles te rappellent l'amertume de ce bas monde. Et c'est pour cela que c'est un bien pour le serviteur. Il ne faut pas penser que les épreuves sont un mal absolu. Mais il y a derrière celles-ci un grand bien pour le serviteur s'il se comporte de la manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Il te suffit comme bienfait que les épreuves peuvent être une cause de l'expiation de tes péchés, de tes mauvaises œuvres. Ça, c'est une chose qui échappe à beaucoup de personnes. Lorsqu'ils sont éprouvés, ils n'arrivent pas à prendre conscience qu'il y a de nombreux bienfaits derrière cette épreuve. Donc si le croyant est conscient de cela, alors il va louer Allah subhanahu wa ta'ala, car il va se réjouir de l'expiation de ses péchés. Un jour, un compagnon a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, « Qui sont les gens les plus éprouvés ?» Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Les prophètes, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. » L'homme est éprouvé en fonction de sa religion. S'il est ferme sur sa religion, alors ses épreuves seront difficiles. Mais s'il y a dans sa religion une certaine faiblesse, alors il sera éprouvé en fonction de celle-ci. Et le serviteur ne cesse d'être touché par les épreuves jusqu'à ce qu'il marche sur terre sans ne porter aucun péché. Subhanallah. Les épreuves sont une cause pour que tes péchés soient effacés et que tu ne portes plus aucun péché par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Abu Sa'id al-Khudri et Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhuma, rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, rien ne touche le croyant, comme fatigue, maladie, souci, tristesse, gêne ou angoisse, même une épine qui le pique, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui expie par cela une part de ses péchés. C'est pour cela que les croyants et les gens vertueux, même s'ils ne cherchent pas à être éprouvés, lorsque l'épreuve vient, alors ils s'en réjouissent par espoir de se voir pardonner leurs péchés. Et également en compte, parmi les sagesses qu'il y a dans les épreuves, le fait que tes récompenses soient décuplées. En effet, Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu, a dit qu'il est rentré auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors que ce dernier était souffrant et qu'il était sous une couverture. Alors Abu Sa'id a posé sa main sur lui et il a ressenti sa chaleur à travers la couverture. Il lui a donc dit « Ta fièvre est très forte au messager d'Allah ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « C'est ainsi que nous sommes ». L'épreuve est difficile pour nous et nos récompenses sont décuplées. Subhanallah. L'épreuve est difficile et la récompense est décuplée. Alors il lui a dit, ô messager d'Allah, qui sont les gens les plus éprouvés? Il lui répondit, sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes, puis les vertueux. Également, on compte parmi les sagesses qu'il y a dans les épreuves le fait qu'elles sont une cause pour que le serviteur soit élevé en degré au paradis. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si Allah subhanahu wa ta'ala a décrété un rang pour le serviteur et qu'il n'atteint pas ce rang par son œuvre, alors Allah subhanahu wa ta'ala l'éprouve dans son corps ou dans ses biens ou dans sa descendance. Puis il l'aide à patienter afin de lui faire atteindre le rang qu'il lui a décrété. Et d'après Abi Huraira radiallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'homme a certain rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'atteint pas par ses œuvres. Alors Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse de l'éprouver par ce qu'il réprouve jusqu'à ce qu'il lui fasse atteindre ce rang. Voyez donc qu'il y a, à travers ces épreuves, de nombreuses sagesses et de nombreux bienfaits. Et le serviteur, il doit observer l'épreuve de deux manières. La première, c'est un regard qu'il porte sur sa propre personne, et il doit avoir une mauvaise opinion de lui. C'est-à-dire qu'il doit se remettre en question, savoir que cette épreuve ne l'a atteint qu'à cause de ses manquements vis-à-vis des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il revient à Allah subhanahu wa ta'ala et se repent. Et ceci, il n'y a pas de doute que c'est un bien pour lui. Et la deuxième chose, c'est que tu dois avoir lors de l'épreuve une bonne opinion de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, et te rappeler de ses différentes sagesses. Et te dire que s'il t'a décrété cette épreuve, c'est peut-être pour te faire atteindre le rang des vertueux parmi ses serviteurs, ou alors pour t'expier tes péchés et tes mauvaises œuvres. Donc lorsque l'épreuve survient, le musulman, il doit avoir recours aux voies légiférées afin de repousser l'épreuve et de patienter face à celle-ci. Et tu dois t'écarter de toute forme de lamentation interdite ou de rejet du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu dois avoir conscience de plusieurs choses. Premièrement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala détient la royauté des cieux et de la terre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est bienveillant envers ses serviteurs. S'il t'a décrété cette épreuve, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait que tu es en mesure et que tu as les capacités de faire face à cette épreuve par son aide et sa permission subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, c'est que tu te rappelles des bienfaits qu'il y a dans cette épreuve et des sagesses comme celles que le vient de mentionner. Et la troisième chose, c'est que tu te consoles en pensant à ceux qui sont bien plus éprouvés que toi. Car quelle que soit ta situation, il y aura toujours des gens qui sont plus éprouvés que toi. Donc tu penses à leurs épreuves et tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala que ton épreuve soit moindre que la leur. Si tu as ces choses en tête, alors l'épreuve elle sera facile à surmonter bi'idhnillahi ta'ala. Et tu seras satisfait du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin pour terminer, il faut savoir que les serviteurs face aux épreuves, ils ne sont pas tous du même rang et du même degré. Il y en a certains qui se lamentent et se révoltent contre le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne patientent pas face à celui-ci, qui rejettent le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, en pensant que ceci est une injustice, en pensant qu'ils ne méritaient pas cette épreuve, en prononçant des mauvaises paroles comme « Pourquoi il m'arrive cela? Pourquoi moi ?» ou pire encore, en se frappant le visage, en déchirant ses vêtements, et autres parmi les choses interdites que font ceux qui se lamentent et se révoltent et s'indignent face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce degré, c'est le pire et le plus bas des degrés. Et le serviteur croyant, il doit s'éloigner de cela de par sa patience et sa certitude et sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième degré, c'est le degré de la patience. C'est-à-dire que le serviteur, malgré qu'il réprouve l'épreuve, malgré qu'il réprouve le malheur, il ne se lamente pas, il ne se plaint pas, mais il patiente et il espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci est une obligation pour tout croyant. Le troisième degré qui est plus élevé que celui-ci, c'est le degré de l'agrément. C'est-à-dire que la personne est satisfaite de l'épreuve. Elle ne fait pas de différence et de distinction entre le moment d'aisance et le moment de difficulté. Il a la ferme conviction que ce qui lui arrive est un bien qui a été décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Sa poitrine est donc épanouie et il est satisfait du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, le quatrième degré qui est le meilleur, c'est le degré de la reconnaissance. C'est-à-dire que le serviteur fait preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Non pas pour l'épreuve en elle-même, mais pour toutes les sagesses qu'elle comporte et tous les bienfaits que cette épreuve comporte, comme l'expiation des péchés, l'élévation en degré et ainsi de suite parmi les choses que l'on a mentionnées. Donc, si tu penses à tous ces textes, tu sauras que les épreuves, ce sont en réalité un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qui rappelle aux croyants qu'il n'est que de passage dans ce bas monde, et qu'il n'est pas dans ce bas monde afin de trouver le repos, mais qu'il n'est là que pour être testé et prendre ses provisions pour sa vie de l'au-delà. Et quoi qu'il arrive au croyant, il sait que tout ce qui lui arrive est un bien pour lui s'il adopte le bon comportement et qu'il œuvre de manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Comme il est venu dans le hadith authentique rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: étonnante est l'affaire du croyant, tout ce qui lui arrive est un bien pour lui, et ceci est réservé aux croyants. S'il est touché par un moment d'aisance, alors il est reconnaissant, et ceci est un bien pour lui. Et s'il est touché par des difficultés, il patiente, et ceci est un bien pour lui. Ainsi est le croyant. Il est reconnaissant lors des moments d'aisance, et patient lors des moments de difficulté. Ainsi, tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. Demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la patience lors des difficultés et la reconnaissance lors des moments d'aisance. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.